matin me fait refléter ton image. Elle brille, elle brille à l'intérieur de moi. Que je la sens se consumer dans mon. Votre couleur vraiment fascinant. Je voudrais apprendre ton langage comme les grands sages. T'attraper en plein vol pour pouvoir. Je la sens consumée.